d'amour, plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouves mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Que j'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. Maladresses. C'est de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Mes blessures, mes faiblesses, que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. C'est de l'amour pour qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, stay.